gare au petit matin. Deux amours se tiennent la main. Ils sont tristes ou ils sont heureux, on n'en sait rien, mais ils sont deux. La vie, c'est ça, tu le sais bien, un train sans. Quelque part.